Quatrièmement, la loi des sociétés. Ce système social a pour base l'égalité. L'homme seul, ne pouvant se suffire, est forcé de s'associer. Dès lors, la société est un contrat. Chacun de nous réduit à ses propres ressources, étant impuissant, nous devons être forcément égaux. Prenez l'homme le plus fort et le plus intelligent. Séparez-le de tous les autres. Que fera-t-il ainsi? Rien. Faibles et forts, nous sommes aussi utiles, aussi indispensables les uns que les autres. Il est donc juste que nous retirions les mêmes avantages d'une association à laquelle nous apportons tous le concours entier de notre force musculaire et de notre intelligence. Si on ne traite pas tout le monde sur pied d'égalité, la multitude des faibles a le droit de dire au petit nombre des forts « Nous refusons de nous associer avec vous ». Mais en réalité, il n'y a ni faible ni fort. C'est là un préjugé que les riches ont répandu pour justifier l'exploitation des pauvres. Il en faut faire justice. D'abord, il n'est pas vrai que ceux qui possèdent, qui gouvernent, qui jouissent, en un mot, soient les plus forts, les plus intelligents. Il y a parmi le peuple des milliers d'hommes sains de corps et d'esprit à qui il ne manque qu'un peu de culture pour les égaler de tout point, sinon les surpasser. Ensuite, s'il y a des inégalités de force physique et d'aptitude au travail, elles sont le résultat d'une mauvaise organisation sociale. Le progrès qui tend à les faire disparaître les rend inappréciables dans l'œuvre collective de la production. Il n'est ni juste ni humain de les invoquer en faveur du principe de la séparation des classes. Le pasteur ne donne-t-il pas une pâture égale à toutes ses bêtes sans s'occuper si celle-ci rapporte plus ou moins que celle-là? Et puis, ceux qui sont forts, le sont-ils constamment? N'ont-ils pas besoin qu'on leur vienne en aide dans leur enfance, dans leur vieillesse et durant les périodes de maladie? Plus on examine cette question, plus on voit que tout s'équilibre par des compensations, que tous les hommes sont égaux. Enfin, s'il y en a quelques-uns qui soient un peu plus forts que les autres, leur devoir est de travailler pour les faibles, non de les opprimer. C'est en vertu du principe d'égalité que les premières sociétés furent constituées. La plus ancienne forme de l'association est celle de la famille, dont tous les membres étaient égaux sous l'autorité paternelle. Des réunions de famille ont ensuite formé des clans, des tribus ou des peuplades, sous la direction d'un chef élu en raison de sa force musculaire ou de son expérience de la vie. Mais le père ou le chef, quoiqu'investi de l'autorité, n'avait aucun avantage sur les autres sociétaires. Il était fait un partage égal entre tous des revenus de la terre, des produits de la pêche ou de la chasse et des dépouilles de la guerre. La légende du vase de Soissons atteste que Clovis, roi des Francs, n'avait, en dehors des exercices militaires, aucune supériorité sur ses soldats. La vie des premiers âges offrait trop d'aléas. L'homme fort, après avoir dépouillé les autres, était souvent surpris et dépouillé lui-même par quatre ou cinq faibles réunis contre lui. C'est pour égaliser les chances de la vie que les uns et les autres ont formé une société. Le fort s'est dit « À quoi me sert ma force, puisque deux faibles peuvent me tuer ?» Et il a dit à ceux-ci « Unissons-nous, travaillons ensemble et partageons le fruit de notre travail. » C'est donc un pacte d'égalité qui a été conclu. S'il n'est pas observé, autant valait demeurer à l'état d'anarchie. Les rouages de la société primitive étaient assez simples. Ceux de la nôtre sont plus compliqués. L'extrême division du travail et l'intervention de la machine ont transformé la vie sociale. C'est ici qu'apparaît la science économique qu'on sait plus à embrouiller à dessein, mais qui, en réalité, est plus simple qu'on ne se l'imagine. Elle repose tout entière sur ce principe. Pour produire ce qui est nécessaire à l'entretien d'un individu, il faut la collaboration directe ou indirecte de tous les membres de l'association. L'instituteur, le laboureur, le soldat ont contribué à la construction de cette maison. Celui-ci en maintenant l'ordre public, celui-là en fournissant du pain aux maçons qui l'ont faite, l'autre en les instruisant. On peut en dire autant de tous les travailleurs. Dès lors, il ne doit pas y avoir d'inégalité dans les salaires, parce que tous les concours sont également utiles, parce qu'il est aussi indispensable d'avoir du pain et d'être instruit que d'avoir des vêtements et un logis. Si l'on paye le cordonnier moins qu'un autre ouvrier, c'est qu'on peut se passer de chaussures. Or cela n'est pas vrai. Demandez-le plutôt à messieurs les bourgeois. Pourquoi donc des rétributions inégales? Est-ce que les mieux rétribués dépensent plus de force ou d'adresse que les autres? Point de tout. Dans la généralité des cas, ce sont au contraire les plus forts et les plus adroits qui gagnent le moins. Le terrassier qui fait le travail le plus pénible, le mineur qui court les plus grands dangers, le petit employé qui a le plus d'instruction sont les plus malheureux de tous les travailleurs. La seule cause de l'inégalité des salaires, c'est que plusieurs catégories d'individus veulent vivre du travail d'autrui. Il n'y en a point d'autre. S'il y avait égalité, il n'y aurait pas d'exploitation possible. Comme nous travaillons tous pour l'association et qu'il n'est pas possible que nous fassions le même métier, tous les travaux ont une valeur équivalente. Nous produisons autant les uns que les autres. Le médecin comme le maçon, le tailleur comme le chimiste. Nous devons donc recevoir un salaire égal et correspondant à la somme de travail fournie individuellement. Dès que l'un d'entre nous émet la prétention de consommer plus qu'il ne produit, il y a évidemment déséquilibre. Il faut que les autres travaillent pour lui. Représentons par 5 francs la production quotidienne d'un homme. Si l'on paye un fonctionnaire 20 francs, c'est une quantité de marchandises équivalente à 15 francs qu'il peut consommer sans la produire. Naturellement, il faut que les autres travailleurs pourvoient à cette production, et comme pour diverses raisons ils ne peuvent produire davantage, on prélève ces 15 francs sur leur salaire sous forme d'impôt. 15 d'entre eux ne dépensent plus que 4 francs, et se privent ainsi du nécessaire pour procurer le superflu à un privilégié. De même, l'industriel et le commerçant, en réalisant des bénéfices quotidiens de 30, 40, 100 francs ou davantage, déprécient dans de notables proportions le salaire de l'ouvrier, l'un par l'emploi de la machine à son profit, l'autre par l'accaparement des marchandises. Cette constatation nous conduit à la définition suivante : celui qui consomme plus qu'il ne produit est un bourgeois. Mais dira-t-on, l'inégalité des salaires est voulue par les ouvriers eux-mêmes, et certainement ils la veulent, comme autrefois ils voulaient des seigneurs, des prêtres et des rois. Comme aujourd'hui, ils veulent la guerre contre des hommes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vus. Comme demain, ils voudraient toutes les calamités qu'il plairait à leurs journaux de demander. Il y a des contradictions plus significatives encore. Des socialistes même, rétribués à raison de 0,80 francs l'heure, s'indignent de ce qu'un ministre touche 25 francs. Pour le même temps, mais ils trouvent parfaitement légitime qu'un savetier et un balayeur soient payés 0,40 francs ou 0,60 francs. Cela ne prouve qu'une chose, c'est que l'éducation sociale n'est pas encore faite. En résumé, nul ne pouvant subsister que par l'association et tous les concours ayant la même utilité, il n'y a ni travaux nobles ni travaux vils. Par suite, plus de hiérarchie dans les salaires. Tous les travailleurs doivent recevoir le même prix pour la même unité de temps. Pas de distinction entre le maçon et l'architecte. Ils sont aussi indispensables l'un que l'autre à la construction d'un bâtiment. S'il y a des occupations plus ou moins pénibles, plus ou moins avantageuses, elles sont données par voie de roulement ou par le tirage au sort, jamais par la faveur. C'est la fatalité. Personne n'a le droit de se plaindre. Ainsi, l'égalité mathématique étant admise comme principe fondamental de notre société, l'arithmétique remplacerait avantageusement le code et même la morale.